C'est pas facile, mais c'est bon. Il s'agit pour vous autres d'être capable de le vivre, ça. Dans toute son ex... Dans tout... Pardon. Dans tout son développement interne. Parce que votre richesse est là. Toi, tu commences à comprendre ça, tu trouves. Je compare ta vie aujourd'hui avec ta vie avant. C'est comme zéro pis zéro. Ça se compare même pas. C'est deux vies différentes. Mais si je t'avais dit ça avant, t'allais paniquer. Là, tu l'as commencé à le vivre par toi-même. T'as commencé à le réaliser par toi-même. T'as passé tes grandes époques d'amour, que j'appelle. Tes grandes époques d'amour. T'as mis la hache dedans comme une grande fille. Là, tu commences à être en amour avec toi-même. Dans le sens, tu commences à te voir comme t'es toi. Ben, toi. Je suis bien avec toi. Ouais. C'est le même, frère. C'est pas un mystère, cette affaire-là. Vous gueulez après moi, puis tu te fâches à contre moi. Ça, c'est normal. Puis c'est pas là. Mais, c'est très pas loin. Passer du plan de l'ego au plan de notre esprit. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui se voit pas, qui se sent pas, qui se perçoit pas, mais qui est. L'ego, c'est quelque chose qui se sent, qui se perçoit, puis qui est pas. Ce que je dis, quand tu rentres dans ton esprit, ton ego, moi, tu me demandes ce qui est mon ego. Ça me dit rien, mon ego. Ça me dit rien, parce que je ne sens pas mon ego. Parce que tu ne sens pas quelque chose, ça me dit rien. Si tu sens quelque chose, ça te dit quelque chose. Faut que tu touches au mur, pour savoir s'il y a un mur. Mais si tu passes tellement à travers le mur, il n'y a pas de mur, toi. Puis quand tu ne sens pas ton ego, mais t'es bien à ce moment-là. Parce que tu ne souffres plus. Tu peux souffrir dans ton esprit à cause de ton état de conscience. Le fait que tu es dans un corps matériel. Mais c'est une autre sorte de souffrance. C'est une souffrance heureuse. Mais tu ne souffres pas dans ton ego. Puis quand tu ne souffres pas dans ton ego, tu commences un petit peu à souffrir à ton ego de nuit. Ça commence à tasser. T'es bien quand tu ne souffres pas dans ton ego. Le 7 s'en vient pas mal bien. 99,9%. Il reste tout à 99,9% de 7. Le 10,9%. Ben, ça s'en vient. Lui, c'est parce que c'est un spécial. Il ne peut pas y en aller plus, peut-être. Lui, il me tient de même, pas qu'il y a, parce que c'est de l'amour. C'est un tonneau d'amour. Là. Pour l'empêcher qu'il en évastre un petit peu ses bords, il tient au point neuf, au point neuf, au point neuf. Sans ça, il fait très les yeux dans plein lame, plein lame tout le temps. C'est un broyeur. Parce qu'il ne faut pas que. Faut qu'on arrive à ne pas souffrir de notre amour. Faut qu'on arrive à ne pas souffrir de l'énergie de l'amour qui passe en nous autres. Sans ça, c'est pas une vie, c'est une souffrance. Puis dans la disconnexion entre l'ego et l'esprit qui s'en vient, l'ego, il perd. Il a peur de perdre quelque chose parce qu'il perd ses perceptions. Il perd ici, il perd. Il commence à se faire déculoter. C'est là qu'il faut que vous fassiez attention. Si vous êtes dans ce stage-là, là, ou votre ego commence à avoir peur de perdre quelque chose, comme lui, j'ai peur de perdre cette petite blonde. Hein? J'ai peur de perdre cette petite blonde. Hein? C'est bien. Papa, j'ai vu ce qu'on s'est attiré pour perdre cette petite blonde. Lui, les deux. C'est vaste, ta vie. C'est normal, mais là, c'est pareil. En plus, t'as plus rien, là. T'as plus rien qui tente, là. Là, toujours pépé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est plus normal. T'es plus normal. T'es plus le même gars. T'es plus ci, t'es plus ça. Tu l'es plus le même gars! Je le sais, je l'ai plus, je suis plus le même gars. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui me plaît? Oui, je voulais pas te plaire. C'est ça. Mais pour la personne, pour tout. Pour les autres, c'est pas normal. Toi, tu te sens que t'es normal, mais les autres, c'est pas normal. T'es bien, t'es bien. Moi, c'était simplement de ma décision personnelle.